étudie mon rap frère. N'a pas pour but d'être populaire. En quête de couleur voudrait réunir tous les gens de la terre. Il a ses opinions et ses idées parfois contestataires. Il en a parfois ma réponse même tout jeté à terre. Mais comme c'est un pacte avec les loups, il restera debout. Tu sens l'impact quand il ouvre d'office que c'est du loup. Ego trip omniprésent, c'est ma grande gueule de tous les jours. Appelle-moi à Maroc, viens donc dans ma forêt faire un tour. Tu croiseras quelques loups draquant les rimes engagées. Nous sommes ici pas dans nos mais des crocs en acier pour croquer les prods. Non pas draguer les filles. Amoureux de la musique, je reste en quête de feat. Ils s'entêtent à s'enfuir mais nous resterons unis. Et j'enterrerai vif ceux qui parlent mal de mon pays. Si tu veux de la chaleur mec, cherche pas tu y es. J'suis pas fier d'être belge que le 21 juillet. Doucement mais sûrement, j'avancerai avec la belge. Ouais, j'ai des valeurs solides ancrées au plus profond de moi-même. Tu me verras pas traîner du côté de ceux qui se la pètent. J'suis loin d'être le best et j'ai appris à l'admettre. J'ai le cœur sali et mon rap le purifie. C'est dur ici de vivre quand l'amour sera réduit. Si tu me plais simplement, je te dirai que je t'apprécie. Par contre, si je t'aime, ce n'est pas que dans un cas précis. Moi, je me donne entièrement, non, ce ne sont pas des mensonges. Faut que tu me crois toutes les fois, je te dis comment les gens sont. Que bien souvent, le monde ne tourne pas comme nous le pensons. Que nous reculons bien plus que nous n'avançons. Tous veulent être en avance, moi je suis le retardataire. Le ciel en toile de fond, mais non que le regard à terre. Doucement, je me lève, j'ai décidé de ne pas ramper. J'ai du caractère et t'inquiète, il est bien trempé. Pour cette fois, je voulais juste un peu te parler de moi. Dévoiler quelques facettes qui brillent souvent dans le noir. C'est pas toujours la joie. Les habits sont là dans ces cas-là. Quand la pente est trop raide, ben c'est grâce à eux que tu l'escalades. Tu sais, je n'ai pas toujours marché dans la bonne direction. Et j'ai claqué au sol pas mal de résolutions. Mais je sais aussi que je ne suis en rien une exception. Car j'ai croisé pas mal de monde lors de mes expéditions. Chaque jour qui passe, je croise de plus en plus de monde. Moi, je les attends là. Ouais, en fait, ici, je trouve toujours pas ma place. Les gens en place. Tout va si vite et le souvenir s'efface. Amitié dispersée. Avec le temps, les relations s'affaissent. Ne m'en veux pas si je ne souris pas cette fois-ci. Le fruit de ces disques ne nourrit que peu d'espoir. Tu sais bien qu'avant la tempête règne le calme. Autant que le beau temps reviendra après l'orage. J'ai appris que la vie ne tient rien, mais pourtant on l'oublie. Ensuite il est trop tard et il nous reste que les souvenirs. Mais long et le chemin sans leur soutien quotidien. Et donc fais preuve de force et de courage pour affronter les tiens. Quand je t'en parle avec les larmes qui s'emparent de moi. Sans peur d'afficher ma tristesse car c'est une part de moi. Puis je t'avoue, j'ai pensé c'est à mon départ des fois. Parce que j'étais seul paumé dans ce brouillard si froid. Un homme solitaire à l'écart de sa meute sur le territoire. Mais quand il chante c'est un plaisir véritable. C'est pour ses frères que sa voix s'élève. Et c'est la fête le soir de pleine lune. Oui tu le sais c'est célèbre. Même un homme qui a le cœur pur et qui récite pieusement ses prières peut se transformer en loup-garou. Il suffit que l'appel du loup retentisse.